l'enregistrement donc en tant que tel dans Nuisance le 4 février 2011, il est 20h30 et 2 minutes et quelques secondes, une dizaine. Nous allons donc passer à l'enregistrement d'une session, donc de deux sessions. Enfin, nous allons écouter donc deux sessions mixées en mix radiophonique pendant un certain temps. Donc, ça risque de durer un petit moment. Donc, je vous propose d'aller aux toilettes avant de commencer à écouter pour ne rien rater de l'aventure. L'aventure sonique, toujours sonneuse et sonnante, trébuchante. Que dire de plus? Appréciez donc le tellurisme également, l'animisme et le spiritualisme. Du matérialisme ambiant, donc toujours une onomatopée flagrante, la puissance de l'ombre. Nous n'aurons pas le temps de tergiverser ce soir, ce n'est pas le moment de tergiverser sur les ondes du canal sud de 92.2 FM à Toulouse, France, ou sur le canal sud.net à Toulouse, France également. Que dire de plus à part apprécier donc avec tendresse et animosité la session permanente et omniprésente de l'immanence impure. Je disais donc une immanence impure, toujours mêlée de... Nuisance, donc l'émission qui nuit au sens, tous les vendredis de 21h à 23h. J'espère que vous ne comprenez absolument rien de ce que je vous dis, car je n'ai absolument rien à vous dire ce soir. Appréciez l'animosité ambiante et la permissive réaction. Du bruit dans Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Pardon, je ne me suis pas aperçu de l'intensité de ma voix dans le rétrospectif. il y a toujours un semblant de nuit, d'ennuisance. Donc c'est le soir, l'hiver, il est 21h, 20h pardon. Oui, nous avons commencé en avance pour nuire plus longtemps. Et avec un grand plaisir, nous allons vous nuire donc dans l'émission Nuisance. L'émission qui nuit à vos sens, ne l'oubliez toujours pas. Les sens nuisent à la cérébralité. La cérébralité, c'est l'enfer. L'enfer, c'est ce que nous voulons, car nous sommes sur Terre. Nous sommes sur Terre, donc, pour vivre un enfer. La souffrance de l'enfer que nous allons vivre est avec nous ce soir, mes chers frères et sœurs, mes sœurs et frères. Prions en enfer pour l'absolution de notre paradis. Notre paradis sur Terre qui permettrait donc une... réagir dans l'animosité ambiante, vers un temps permanent, le biofeedback omnibilant et la permanence de l'action toujours omniprésente, celle d'un azur un peu violacé, c'est la pourriture et la putréfaction faisant, nous ne permettrons pas quelque chose d'autre que ce que nous faisons déjà. Nous allons donc mourir dans une enfer, maman, t'es un rat petit. Se peut-il que tu sois un rat petit ? Eh bien oui, je suis un rat et je suis petit avec vous. Et nous, ce soir, nous sommes le 4. Nous sommes le 4 février 2011. Il est une vingtaine d'heures et quelques minutes et nous allons bientôt crever. J'espère. De bordel, comme d'habitude. Au choix. C'est une mission qui nuit au sens, ce n'est pas pour parler aux gens. Quel calme, quelle volupté, quelle douceur. Toujours l'amour célébré en cette sainte heure, l'amour de la mort et de la merde. En live dans les studios. Quelqu'un donc qui toussait en live dans les studios. donc sur Nuisance, l'émission qui nuit au sens, et vous écoutez Canal Sud de 92.2 FM. Je vous rappelle que légalement je suis censé donc vous le rappeler tous les quarts d'heure, et cela fait à peu près un quart d'heure que je vous l'ai dit. Je vais donc vous le rappeler dans un autre quart d'heure, et le quart d'heure après ça, et le quart d'heure d'après, et ensuite un autre quart d'heure après, je vous le répéterai encore, que vous êtes donc sur les ondes du Canal Sud 92.2 FM, Arstien, donc de Toulouse, hein, ou le canalsud.net du web. Toujours un plaisir de vous servir, auditeurs et auditrices. Amusez-vous bien dans vos vies respectives. Toujours un bordel monstre, un monstre de bordel. Vous êtes donc en train d'écouter une radio associative libre. Ah, excusez-moi, il y a du bruit. Ah, j'éteins ce bruit infernal pour vous dire donc qu'il est 21h07 donc en France, oui en France, sur le méridien donc de Paris, non celui de Greenwich, celui de Paris. Il est 21h06 et 5 secondes. Tout ça pour vous dire que donc vous êtes en train d'écouter l'émission Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Autour de la table, des gens qui ne discutent pas car ils ont peur du micro. The blue microphone, le microphone bleu est ouvert pour toute forme d'expression non verbale ou verbale. Le microphone rouge ne va pas tarder à être également ouvert. Vous pouvez mettre les casques donc pour entendre la façon de faire du radiophonique. nique. Dans l'émission Nuisance, donc une émission qui ne veut pas être une émission refoulée. Donc refoulons l'émission Nuisance en refusant d'y participer. Première tentative désespérée d'entendre une ambiance, monter tous les micros et monter le gain également et le retour en même temps. Tout ça doublé d'un énorme larcène peut-être. Non, on va pas faire un larcène ce soir dans Nuisance. On ne veut pas être dérangeant. Donc ne soyons pas dérangeants, soyons paisibles et plaisants sur Terre, car nous sommes tous les amis de quelqu'un, et quelqu'un est notre ami, donc Adolf Hitler, entre autres, est mon ami. Le nain, c'est mon ami aussi, et les grandes oreilles et le gros nez, c'est mon ami, ce sont tous mes amis, et je leur dis bonsoir mes amis, amions-nous, du verbe amier, donc qui est donc un dérive de ami avec un ER à la fin, ça fait amier. J'amie, tu amies, ils, elles ont ami, nous amions, vous amiez, et ils, elles, amis. Au pluriel, donc troisième personne du pluriel au présent, donc de l'indicatif. Au passé simple, j'amie, tu amies. Ils, elles ont amis, etc. There is something about raw shit. The dude like eat it, like to smear it all over his face. He had a face full of shit. And he enjoyed the shit. He would take the shit and eat the shit and put it back into its bum. The thing was, what else to do with an asshole? I mean, except for putting it up the bum, the asshole, I mean. You take your finger like this and stick it in the hole, the whole way. See what I mean? Kind of violent thing, and so I was going there, I guess. Although the doubt is not permitted, pleasure is always the same, omnipotent. Le plaisir omnipotent, une relation durable avec la vie, l'aigu faramineux qui perce les tympans, ou l'impossibilité, toujours. Toujours cette impossibilité-là, oulas. Pourquoi faire du bruit quand la poésie est verte, verte comme une redondance cyclique? Ou jaune? Toujours sommet de l'attention. Désolé pour ce Larsen omniprésent, donc celui du cosmos qui veut absolument faire savoir qu'il y a Derrick qui passe à 11h ce soir sur Arte, la chaîne de toutes les nations. Oui, la chaîne de toutes les nations, Arte. Vous êtes donc pas sur Arte ce soir. de Marianne et Al pour une paire de sessions qui ont été effectuées aujourd'hui même, l'après-midi, entre 14h et 16h30, si je ne m'abuse, ou peut-être 16h37. Nous apprécions donc l'harmonie du geste et la grâce tout élégante. Compassion, on voit tout à fait la compassion dans cette note, celle-là aussi. Et on entend une pièce de quelques mètres sur quelques mètres, avec une fenêtre ouverte et une porte fermée. Une pièce fermée à part la fenêtre qui est ouverte sur un balcon, dont on l'entend très bien le balcon avec les canisses. L'élégance des canisses dans le sud-ouest. Canard laqué, toujours quoi quand. On remarquera le soudain remous, celui du notary dans le ciel. Encore un nuage flatulent. La flatulence même du nuage se permet tant de choses. De choses. Tant. N'oublions pas que Nuisance ne croit pas que la beauté est en ce monde. Oh, horreur sacrée, donc tout à fait sacrément belle horreur que ce monde. Ne l'oublions donc pas. Nuisance est là pour nous rappeler, comme Nuisance le fait si bien, Nuisance. Oui, Nuisance. Le fait si bien, le rappeler. Que l'horreur est sacrée et est en ce monde. Toujours sacrément belle, l'horreur sacrée. Je crois que l'on me dit que l'on ne comprend pas ce que je dis à cause du Larsen permanent derrière moi. C'est une forme de biofeedback aussi rémanente. Ou rétinante, devrais-je dire. Pacifisme ainsi célébré de l'obstruction par l'effet miroir de l'extérieur. Obstruction donc momentanée, un équilibre inachevé, puisque infini dans le temps. La finitude, parlons-en, est infinie car dans le temps. Le tempo, la pulse est un symbole, un mot, une non-négation de cet état de fait. Blablabla est tout à fait acceptable dans ce tas-là. Et est, n'est-ce pas? L'horreur, toujours l'horreur, toujours. L'horreur, toujours. Ou la bonté. On nous offre un choix ici ce soir. Nous avons le choix entre la bonté et l'horreur. Nous choisissons toujours, Nuisance choisit toujours pour vous l'horreur. La bonté n'est pas de ce monde. Tiens. Les cathares ne sont pas si loin dans leur tombeau de cire fondue. Momifié, de moisi, sûr que c'est vrai ce que je dis. Comme les momies de Staline et de Lénine qui moisissent dans un tombeau, on nous offre des bactéries à gober. Les maladies humaines, erreurs humaines, mélancolie humaine, nostalgie humaine, toutes ces humanités-là. Servent-elles? que servent-elles? Car esservelés sont ces états, donc d'humanité, d'ici-bas. Rock'n'roll. La sainitude, oui, la sainitude, hélas, elle hélas, la sainitude. Alors lassons-la. Partout. Bon, j'arrête de me branler sur la table de mixage et je vous rejoins pour absolument ne rien faire pendant quelques minutes. toujours un bruit furtif, celui d'une ombre se déplaçant contre les murs. Et contre les murs se déplaçant, l'ombre se fait face. Cette ombre donc pleine de pluie, faite dans la pluie ou sous la pluie, ou faite de pluie ou faite de point pluie, avec un E à la fin, puis rien. Rien, ni un point, ni deux points, ni trois points de suspension, aucun point. Rien que de la grâce et de la douceur dans un monde doux et gracieux. Pour être près de la chaleur, donc pétez un coup et faites-vous plaisir, riez, riez de bon cœur et de bonne animosité, ceci est la fin du monde, toujours permanente. Et collectivement, je souhaiterais donc il est 21h48 et vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le web. Donc Canal Sud est une radio associative libre sans concurrent, car nous ne concurrençons pas les radios non associatives, c'est-à-dire les radios commerciales de merde était donc un qualificatif déplacé de ma part. Il n'est pas encore 22h. Dès qu'il sera 22h, nous pourrons parler de façon non censurée, peut-être un jour ou une nuit, peut-être. Mais pas pour l'instant. Comme je vous disais, la session que vous écoutez depuis à peu près 1h10, une session qui a eu lieu cet après-midi, donc le 4 février 2011, avec deux personnes sujettes à un élan de générosité, car elles partagent toutes deux un élan de générosité avec vous, donc auditeurs et auditrices. Cet élan de générosité donc étant inhérent. Inhérent à l'empathie exercée donc sur vous-même, auditeurs et auditrices. Vous avez donc assisté ce soir à une flagellation publique d'un sine qua non. Présente d'une situation donnée à un instant T, ainsi tu es toi, ainsi. Il finit donc un élan de générosité. Vous avez eu droit à un couplet refrain pendant environ 2-3 minutes et c'est déjà pas mal. Donc spécial dédicace à vous auditeurs et auditrices. Vous avez eu droit à un spécial refrain couplet refrain. Encore une fois, je vous le dis, faites-vous plaisir. Vous pouvez zapper si vous le souhaitez. Je vous le conseille même. Placé contre une cigarette. Une cigarette donc donnée à un instant T. Parlons-en de cet instant T. Nous en parlons donc, comme vous pouvez l'entendre, ce soir. Nous parlons de l'instant T. Comme temps va à la cruche qu'à la fin elle se brise l'eau. Virgule. Il n'y a donc pas d'azur bleuté. Nous l'avons la vérification, nous l'avons. Nous avons la vérification en ce bas monde. Il n'y a pas d'azur et il n'est pas bleuté. L'étonnement ne mènant donc jamais à rien, l'émerveillement non plus. Nous sommes abasourdis par tant de gaieté et de joie. Il me serait temps de se coucher par terre et d'abandonner tout espoir. Voilà. L'espoir étant donc fait pour les niais. Les niaiseries étant donc faites pour un monde meilleur. Le monde que l'on attend de soi-même. Le monde atteint par soi-même. Dans un but recherché soi-même. Si l'on veut soi. Tu ne veux pas vivre ça par toi. Si tu ne veux pas vivre ça, pars aux toilettes. Si tu ne veux pas vivre ça, éteins ta chaîne. Maintenant. C'est donc dit, j'espère que tu as entendu, toi, là-bas. si tu ne veux pas vivre cela, donc tu éteins la chaîne et tu vas aux toilettes. Si tu es encore là, respire. Sous-entendu, si tu es mort, ne respire pas. Car ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est de ne pas respirer, justement. C'est ton rôle, être mort. Si tu m'entends, c'est que tu es déjà mort. Sous-entendu, mort tiré vivant. Mort vivant, donc cervelle d'agneau brisée contre moignon de cerise. Toujours de la chair purulente et pustulante. La chair. La chair, chair. Si le citron sur la chair, alors tu n'es pas mort. Si le citron sur la chair, alors tu n'es pas mort. Et si tu tombes sur un citron, c'est que tu as un sacré coup de bol, car ce n'est pas la saison des citrons. Sous-entendu, bien sûr. C'est plutôt la saison des patates et des poireaux en ce moment, les endives étant de bon augure également en salade ou cuite à l'eau, avec un peu de aigre doux ou de sucré salé, comme sous-entendu. Ailleurs, c'est la saison des citrons. Les citrons étant donc une métaphore pour les jaunes étant donc une métaphore pour les asiatiques. Nous devons toutes nos excuses au peuple asiatique pour la langue française qui est débile et qui nuit au sens. Donc remercions la langue française car l'émission Nuisance nuit au sens, comme la langue française. Donc l'émission Nuisance est fière d'être française car nous sommes une bonne patrie de nationalistes et de patriotiques français. Voilà, merci à la France, merci à la patrie, merci à la nation française, et merci à tous les Français et Françaises d'être Français et Françaises, n'est-ce pas? Sous-entendu, n'est-ce pas? Je t'aimerais préciser que s'agissant des agrumes, qu'ils soient citron, pamplemousse ou orange, je tiens également à m'excuser auprès d'eux avant qu'ils ne finissent en jus, ou en purée. En jus donc de citron pressé comme agrumes ou orange. Acidulé comme acide thérapeutique de psychiatrie années 40 et 50. Donc Cary Grant a bien trouvé la maladie en cherchant le bonheur, le pauvre. N'ayant trouvé la maladie que au fond de lui-même, il n'a pu trouver le bonheur ailleurs et donc il est à présent mort, comme tous les autres, qui sont morts comme lui. Donc la maladie et la mort donc étant complémentaires. N'oublions pas la vieillesse, également la démence, la sénescence et la sénilité, la maladie d'Alzheimer, bonheur à tous les prolifiques, pardon, ce n'est pas de bon augure, excusez-moi, je voulais dire heureux les étonnés, soyons étonnés dans notre temps d'enfance de voir quelqu'un nous torcher le derche avec un bout de sopalin. Maintenant, passons à quelque chose de même chose, en fait, de meilleur encore, car nous allons à présent frotter un doigt contre le micro. Voilà, vous entendez un doigt qui se frotte contre le micro, c'est de bonne augure, car un frottat du micro, pardon, ne présente pas de déplacement temporel spatial. Ah là, il te touche le microphone. Yeah. Sous-entendu, il y a un berger dans l'azur. L'azur est donc toujours aussi peu bleuté que l'augure. Ai-je mis mon pantalon à l'envers ou est-ce mon caleçon qui me remonte dans les fesses? Toujours une question existentielle, n'est-ce pas? Le néant et l'absurde, donc, frères et sœurs. Le voodoo étant donc ma religion préférée, après la spiritualité d'Okinawa, les dragons des profondeurs de l'entre-deux et de la surface font leur présence, leur acte de présence. Les dragons et les dragonnes. Dragons et les dragons, je répète. J'ai un cheveu. Une araignée dans les cheveux. Une araignée dans les cheveux. Une araignée dans les cheveux, sous-entendu un tiroir dans le ciboulot. Sous-entendu des cases, sous-entendu une porte fermée à double cran d'arrêt. Et quel clan, toujours le même, tributaire. Tribuesque. Là. Mais là, je n'ai pas de mots. Je n'ai rien du tout. Je ne suis pas allongée dans un salon. Mais... j'ai le mal à dire. Parler de maladie, j'ai le mal à dire. Intéressant, c'est le mal à dire. La maladivité, donc, est toujours tributaire de l'incohérence. Les délires paranoïaques sont donc cohérents dans ce monde-là. Pourquoi avoir peur quand tout le monde est contre nous ? Aucune raison d'avoir peur, puisqu'on l'est déjà. On est déjà mort. Contre loup, loup, aouh ! L'on est déjà eu, l'on est déjà mort, l'on est déjà eu mort, l'on est déjà mort eu, l'on est déjà mortu, mortu, mortuaire, mortuesque, mortualité, mortulalité, alité, al, va te coucher. Il est 22h ce soir. 22h. 22h01 et quelques secondes, une vingtaine, une trentaine, une trente-cinquaine de secondes. Oui, pour vous ce soir, chers auditeurs, nous allons arrêter ce délire intemporel. Je pense à Pierrette dans le Pas-de-Calais, Je pense à au cheminement public, et sauf que ce n'est pas Interpol, c'est bien le CSA. Ah, le CSA non. Intervient. Nous avons midi sur la présidence. C'est la présidente. Nous ne savons pas conjuguer nos verbes, nous sommes incompétentes. Et donc. Toujours prenante, partie prenante du plaisir. Merci à notre patrie. Merci à notre foison de bonheur. Merci à tout le monde, sauf à vous, chers auditrices et auditeurs, car on l'appelle, si vous participez ce soir, vous n'êtes bon donc qu'à rien. Bonne soirée. Soyez maudits, donc comme je disais moi-même. Je prends toute responsabilité pour toute action vaudouesque dans mon émission. Vous êtes condamné à mourir lentement ou rapidement, peut-être en fonction des accidents, de la vie ou de la mort. Bienvenue à tous. Ceci est le monde réel tel qu'il existe, sur une radio qui ne comprend rien à rien, et avec une personne, moi-même, qui ne comprend rien à rien. Je suis donc un imbécile, et ben oui, je suis un imbécile, tel que vous, mes frères, chers et sœurs. Amen. Amenez donc la bibine. Appelez au 05 61 53 36 95, il n'y a personne. Ne répondez pas au téléphone, ils sont derrière les portes.